Maxi Sud. Donc bonjour, je m'appelle Laporte Johan, président de l'association Sport Saint-Erignac. Donc l'association Sport Saint-Erignac a vu le jour en janvier 2024. Nous organisons des événements à but non lucratif. C'est surtout pour soutenir les personnes atteintes de cancer, dont j'ai été moi-même personnellement concerné. Le but de l'association, c'est de récolter des fonds, de créer des événements sportifs pour récolter des fonds et surtout venir en aide en fait, aux familles des malades. C'est pourquoi l'année dernière, nous avons reversé 16 000 euros de dons à l'association Tout le monde contre le cancer, à l'association En route vers l'après et Lucio. Et à partir des futures années, on espère voler un peu plus de nos propres ailes pour aider les gens au niveau local. On peut dire que cette édition 2026 est un nouveau succès. Oui, tout à fait. Donc pour la troisième édition, nous avons un soleil radieux, nous avons beaucoup de chance, nous avons beaucoup de personnes. Donc beaucoup de bénévoles mobilisés, beaucoup de personnes présentes sur le site, sur les événements. Donc on espère avoir un grand week-end qui va continuer parce que ça continue jusqu'au dimanche. Pour le moment, donc on avait les chiffres à 9h ce matin, on avait déjà dépassé les années précédentes. Et puis le but également découvrir au travers de cette belle action votre belle région aussi. Oui, tout à fait. On a un très beau le pays rignacois, donc avec notamment le village de Mirabel, Belcastel, Bournazel. On a des châteaux aux alentours, donc c'est pour nous aussi le moyen d'allier le sportif à l'agréable, avec des panoramas vraiment magnifiques. Vous pourrez d'ailleurs voir les photos, les vidéos des ravitaillements où on voit toute la vallée de l'Aveyron, du village de Regardet, au-dessus du village de Mirabel. Voilà, donc c'est quand même, je pense, c'est un bel événement pour le pays rignacois. Est-ce qu'on peut rappeler les principaux points forts de cette nouvelle édition? Ben alors déjà le soleil, parce que c'est la troisième édition et c'est la première année que nous avons du soleil. La mobilisation, énormément de bénévoles en plus qui ont intégré l'association. Et surtout beaucoup plus de participants. Et voilà, quoi, de la générosité, de la bonne ambiance. Parce qu'il faut, le trèfle rignacois, c'est pas qu'une association. C'est-à-dire que ça dure surtout le week-end. On est en partenariat avec le comité des fêtes, qui eux prennent le relais le soir avec un bal. Donc voilà, un très très moment de partage et de bonheur, quoi. C'est tout un état d'esprit pour vaincre la maladie, surtout pour soutenir ceux qui sont malades. Voilà, surtout soutenir ceux qui sont malades, parce que vaincre la maladie, et malheureusement, à notre niveau, on n'est pas des médecins, mais je pense qu'on peut, avec pas grand-chose, on peut aider quand même les gens qui ont été touchés par ce genre de maladie. Merci beaucoup. On pourrait dire qu'il y a une édition 2027 qui est déjà dans les cartons. Oui, on peut d'ores et déjà dire qu'il y aura un événement 2027 et après il y aura sûrement d'autres événements qui vont venir. Notamment, on aura une beau dégât le vendredi soir de la fête à Rignac, donc je crois de mémoire le 3 ou 4 août. Voilà, donc d'autres actions vont être menées pour, toujours pareil, pour la même cause et toujours plus de solidarité. Voilà, je pense que c'est à l'heure actuelle, c'est d'actualité. S'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui souhaitent rejoindre votre association pour vous aider, pour vous soutenir, que faut-il faire ? Eh ben, il faut nous contacter. Donc on a le mail, donc c'est sportsaint-erignac@yahoo.fr. Et après, nous allons créer justement une page internet. Elle va être créée rapidement. Donc vous pourrez via la page internet contacter et bien sûr devenir membre de cette belle association que je suis fier de représenter d'ailleurs.